Parfois, faut lâcher les manettes. Parfois, c'est con, compte quitter la planète comme ça. C'est con que ce véhicule n'avance pas devant. Qu'on puisse pas se fier à la chance tout le temps. Dehors, y a les sirènes qui, elles, tu dors. Dehors, y a les gens qui t'appellent, tu dors. Tu pars, porté dans le silence. Tu pars pour mieux souligner ton absence. Tu pars au chaud dans ta feutrine blanche, livide. Au chaud, planqué derrière les planches. Tes amis te réclament, tu dors.